une histoire particulière. Hier, Nedma Bouakra et Marie-Laure Ciboulet nous ont raconté l'histoire de Fabienne Cabou. Elle est née au Sénégal, a pu profiter d'un bon lycée, a joué au tennis et a lu abondamment. Elle a rêvé sa vie, puis s'est effondrée. Je voudrais savoir de quoi la mort de ma fille est-elle le nom ? Fabienne Cabou s'interroge à haute voix et nous saisit d'effroi, car aucune réponse ne peut lui être donnée. J'estime que quelqu'un en moi a agi pour assassiner ma fille, un peu comme si quelqu'un m'avait commandité sa mort par mes mains. J'ai l'impression d'avoir été fauchée par cet assassin. Je veux savoir qui il est. Tout de suite, le second épisode. Je plaide non coupable parce que j'estime que quelque chose ou quelqu'un a agi en moi pour assassiner ma fille. Quelqu'un a tué mon enfant avec mes mains et je veux savoir qui c'est. Ce moment-là, c'est le moment où elle lutte. Elle lutte contre l'autre. Lorsque Franck Berton et moi avons plaidé à la cour d'assises du Nord, j'ai plaidé Fabienne, il a plaidé l'autre. Et c'était vraiment ça. Elle était dans une espèce de combat contre l'autre. Et ce moment où elle pose Adélaïde, elle le décrit comme un moment de lutte effrayante contre cette chose. Elle était presque endormie car elle s'endormait dans mes bras. Elle était fatiguée par le vent, le froid et le jeu dans le sable. Je l'ai ensuite regardée dans les yeux et prise dans mes bras. Je ne sais pas où j'étais à ce moment-là exactement. Elle était à moitié endormie et je l'ai laissée comme ça. Puis j'ai couru de toutes mes forces. Je l'ai tuée pour la préserver de quelque chose de pire que la mort. Fabienne Cabou, une femme sous influence. Je prends le train dans l'autre sens et je rentre chez moi, à Saint-Mandé, en banlieue parisienne. J'enlève mes bottes, elles sont encore pleines de sable, et je les dépose sur le sol, à l'entrée. Michel m'accueille. Michel, il a l'air abattu. Parce que j'avais raconté à Michel que j'avais laissé ma fille à ma mère pour qu'elle l'emmène au Sénégal pendant un an, pour que ça me permette de finir ma thèse sur la théorie du réel. Michel, il m'a cru. Michel, il me croit toujours. Ça l'arrange, Michel, c'est un déserteur, il n'a jamais été là. Alors Michel m'accueille et il me demande « Alors, ça a été ?» Fabienne Roy-Nancion, lorsque la police frappe à la porte de Fabienne Cabou, elle dit « Je vous attendais. » Oui, de mémoire, elle leur dit « Eh bien, vous en avez mis du temps. » Ça veut dire « Un, je vous attendais, deux, ça a été long, je vous ai attendu longtemps, quoi. » Voilà, elle va peut-être libérée à ce moment-là de quelque chose qui l'enferme. Ouais. Si je ne voulais pas de ma fille, je ne l'aurais pas portée 9 mois. Je ne l'aurais pas élevée 15 mois. Je ne l'aurais pas aimée. Ce qui m'a choquée, c'est qu'à la naissance, Michel m'a tout de suite demandé « Est-ce qu'elle est de moi ?» C'était irrespectueux. Je trouvais ça outrancier. Quand elle raconte l'année qui a précédé la naissance d'Adélaïde, elle est extrêmement émouvante. Alice Diop, cinéaste. C'est terrible, c'est un récit d'exil. Enfin, moi, je l'ai lu aussi comme ça, comme la détresse d'une femme propulsée dans un monde, dans une vie, dans un pays qui n'est pas le sien et qui tombe dans un abîme de solitude. Ça m'a extrêmement touchée, ça. À la fois, la solitude dans laquelle elle conçoit Adélaïde, quand elle raconte les mois seule passés dans l'atelier, c'est toute sa grossesse en fait, et à marcher toute seule dans le bois de Vincennes, et quand elle raconte l'accouchement, quand elle dit que c'était un des plus beaux moments de sa vie, quand elle accouche, enfin, le récit de l'accouchement est à la fois terrifiant, bouleversant et complètement délirant. Parce qu'elle accouche seule, elle accouche sans personne, et ce qu'elle dit de la rencontre avec Adélaïde, et du refus d'appeler Michel Lafon parce que, dit-elle, je crois que c'était un moment qu'elle voulait tout à elle, de la rencontre avec sa petite fille, qui est magnifique. Elle dit, Adélaïde n'a presque pas pleuré, ou à peine, il se dégageait d'elle une force qui en imposait. Enfin, et la manière dont elle raconte comment elle a nettoyé aussi les traces avec de l'eau de Javel, où elle a effacé, comme ça, de façon énergique, les traces de sang sur le sol, les traces de sang sur le lit. Comme on nettoie une scène de crime, quoi. Il y a quelqu'un qu'on ne saurait oublier, mais qu'on oublie. Michel Lafon, le père. Celui que Fabienne Cabou nomme le déserteur. Oui, oui, oui, ça c'est effectivement le terme que Fabienne emploie lorsqu'elle parle de Michel Lafon. Le déserteur, bah pourquoi le déserteur ? Parce qu'il a effectivement quelque part déserté son espace à elle. Dans son couple, je crois qu'il y avait une espèce de deal entre les deux pour ne pas faire intrusion dans la vie de l'autre. Et donc, ce qui peut-être a été perçu comme du désintérêt de la part de son conjoint était aussi lié au fait qu'elle le mettait à distance et que c'était leur façon d'être ensemble. Docteur Daniel Zaguri. Et puis, quand on a une femme très secrète, de deux choses l'une. Soit on respecte sa personnalité, soit c'est la rupture. Michel Lafon dit une première fois qu'il ne souhaitait pas reconnaître l'enfant, et puis ensuite il change de version. Il considère que Fabienne Cabou ne lui a pas permis de reconnaître l'enfant. Elle n'est pas très claire, cette paternité, enfin le fait d'assumer une certaine paternité. C'était compliqué pour Monsieur Lafon, forcément, puisque Fabienne, c'est la maîtresse cachée de Michel. Personne ne sait qu'elle existe. De très rares personnes savent la nature des relations que Michel entretient avec Fabienne. Il ne dit pas à la police, Michel Lafon, une première fois, je n'ai pas d'enfant. Lorsque les policiers appellent Michel Lafon pour la première fois, pour lui dire, vous appelez Michel Lafon ? Oui. Est-ce que vous connaissez Fabienne Cabou ? Oui. Il répond, oui, est-ce qu'elle est chez vous ? Non, elle n'est pas là. Je l'héberge, elle a un enfant qui n'est pas de moi. C'est la première chose qu'il leur dit. Et pourtant, il ne s'attend absolument pas à cet appel téléphonique. C'est évident, puisqu'il ne sait rien, par définition, de ce qui s'est passé, de ce qui est arrivé à sa fille, à Adélaïde. Et donc, dès le départ, il le dit. Elle a une fille, mais ça n'est pas ma fille. Voilà, c'est tout, je l'héberge. Maintenant, c'est facile aussi de dire, est-ce que Fabienne lui a interdit de reconnaître Adélaïde ? Est-ce que c'est lui qui ne voulait pas ? J'ai simplement envie de vous dire que c'était pas très compliqué. Il rentre, Adélaïde est née. Fabienne a accouché seule dans l'atelier, on le sait. Il lui dit, tiens, t'as accouché ? Oui, mais t'as accouché où ? Elle lui répond, à la clinique des Bleuets. Bon, il me dit, c'est tout, ça s'arrête là. Tu m'as fait un enfant dans le dos. Je suis désabusée. Il va pas dire, bon ben écoute, je vais aller la reconnaître demain matin ou la semaine prochaine. Enfin, le premier réflexe est de dire, ben, je vais aller la reconnaître. Et si il avait tenté de la reconnaître, il aurait pu constater qu'elle n'avait pas été déclarée. Je la voulais. Puisque la clinique est censée déclarer l'enfant et ensuite le père arrive et reconnaît cet enfant. S'il avait fait quelques pas jusqu'à la mairie de son domicile, il aurait bien compris qu'elle n'avait pas été déclarée. Donc c'est aussi un peu facile. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Vous savez, je pense que la relation entre Fabienne et Michel était très particulière. Qui a interdit à l'autre ? Qui a suggéré à l'autre ? Qui, au contraire, ne l'a pas suggéré ? Personne n'en savait finalement rien. Mais ils étaient dans quelque chose d'assez curieux, d'assez particulier. La relation était particulière, mais en tout cas, elle a laissé Fabienne dans une profonde solitude. Elle était dans une solitude abyssale, Fabienne Cabot. Abyssale. Et Michel était avec elle là-dedans et en tout cas ne l'a pas sortie de cette solitude. Elle a sombré, tout doucement, mais elle a sombré. Le cas Michel Lafon, effectivement, si on pouvait juger tous les hommes pour l'acheter, mais c'est vrai que c'est très étrange qu'il se soit constitué partie civile. Moi, j'étais très en colère contre lui avant d'assister au procès parce que, effectivement, je pense que je l'ai aussi beaucoup enfermé dans une espèce de vision qui ne correspondait pas forcément à ce qu'il était réellement. C'est-à-dire que moi, j'ai fantasmé un couple où les rapports de classe, où les rapports de race étaient très, comme ça, étaient frontales. Donc j'ai imaginé cette pauvre femme noire dans les mains de cet homme bourgeois blanc de 30 ans de plus qu'elle, qui ne la légitimait pas. Enfin, en fait, je suis aussi allée au procès nourrie par un certain nombre d'a priori et de fantasmes qui, au fond, ne correspondait pas du tout à la réalité. Je veux dire, Fabienne Cabou est une femme puissante. Et justement, je trouve que c'est important de ne pas l'enfermer là-dedans. Ce n'est pas la pauvre femme africaine complètement victime d'un homme blanc, même s'il y a quelque chose d'assez trouble dans leur couple. et qu'effectivement les rapports de domination, mais je ne suis pas sûre que les rapports de domination soient dans un endroit aussi, aussi simple que je l'avais projeté moi. C'est beaucoup plus complexe, je trouve. C'était un ravissement. Mais je ne pouvais pas le partager car j'avais toujours des réflexions implicites. Mais il arrive un moment où Michel insiste lourdement sur le devenir de l'enfant. Qu'est-ce qu'elle va devenir ? J'ai voulu me débarrasser du harcèlement de Michel. Je veux que Michel s'attache à elle, qu'on trouve une solution. Je suis dans cet état-là jusqu'au matin du voyage. Je relève les horaires de marée. Je m'attendais à un geste de sa part. J'avais pas envie que cet enfant soit la proie des agressions. Michel n'a pas pu ne pas voir, ne pas comprendre. Il l'a nécessairement perçu, parce qu'elle le lui a dit, parce qu'elle entendait des murs qui grondaient, des musiques qui se déclenchaient toutes seules, et donc elle lui dit, mais écoute, tu l'entends là, tu l'entends quand même. Enfin, imaginez la scène, les murs grondent là, tu les entends? Et il lui répondait, mais pas du tout, t'es dingue, ou c'est le voisin qui fait des travaux, ou... Et puis quand elle lui disait, mais attends... Il y a des araignées, il y a des scorpions sur le lit. Ça veut dire qu'elle avait des hallucinations visuelles. Et il lui répondait, mais t'es complètement dingue, ma pauvre Fabienne, faut te faire soigner. Bah oui, il faut te faire soigner. Peut-être aurait-il pu, mais moi je suis pas là pour critiquer Michel Lafon, mais peut-être aurait-il pu dire, attends, Fabienne, tu vas pas bien. On va y aller tous les deux, là. On va prendre rendez-vous avec un médecin, avec un médecin. Pour lui dire que tu entends des choses qui n'existent pas, que tu vois des choses qui n'existent pas. Mais Michel, il n'a pas fait ça. Il l'a laissé à son délire. Il y a eu cette maudite lune, comme un projecteur. Le signe qu'il me fallait suivre cette voix qui disait « Fais ci, fais ça ». C'est une voyante qui m'a incité à faire ce voyage à la mer. Ce sera déchirant, mais ce sera un voyage positif, elle m'a dit ça. Alors face aux injonctions insistantes, je réserve mes billets pour Berck. J'avais le choix de rien. J'arrivais pas à dire stop. Je savais que ça n'allait pas s'arrêter de toute façon. La date était fixée, c'était ce jour-là et pas un autre. Ce qui m'a poussée à prendre le train, c'est une ambiance générale, une ambiance de sape que j'ai ressentie comme une manipulation. Daniel Zaguri, lorsque vous rencontrez Fabienne Cabou, elle se dit sous influence. Alors, lorsque nous rencontrons Fabienne Cabou, nous rencontrons une très belle femme, intelligente, qui commente nos questions. C'est une bonne question. Nous rencontrons une femme, surtout, qui fait étalage d'une sémiologie psychiatrique extrêmement riche. Sémiologie ? Sémiologie, c'est l'étude des signes. Elle était dans un univers énigmatique de signes. Elle cherchait le sens de ce qui lui arrivait. Elle éprouvait des phénomènes d'intrusion. Elle avait l'impression d'être habitée dans son corps par des forces extérieures. Vous savez, quand on est dans un vécu persécutif, implacable, inexorable, on cherche des explications. Et elle est sans arrêt en train de chercher des explications. Il y a une porte qui claque, c'est comme dans les films d'horreur, d'où ça vient, elle fait des hypothèses. Elle est en permanence en train de chercher une solution à des énigmes répétées qui fondent comme ça sur sa vie quotidienne. Fabienne, elle a passé des mois et même des années à s'auto-analyser. Voilà. Et vous savez, elle est comme un espèce de, comment dirais-je, de scientifique qui va prendre les hypothèses les unes après les autres, ou comme un flic, vous savez, un enquêteur chevronné, qui va prendre hypothèse par hypothèse pour trouver un mobile, pour trouver une explication. Elle ne bouge pas, elle est silencieuse, il faisait tellement noir. La lune était comme un projecteur, comme un appel de phare. Est-ce que vous plaidez coupable ou non coupable? Pourquoi Berck plage? La seule question que vous devez vous poser, c'est pourquoi cette femme intelligente va à Berck pour abandonner son bébé? Avez-vous vu la mère venir sur votre fille? Avez-vous conscience que vous allez transgresser la loi à ce moment-là? Fabienne Cabou reformule quasi systématiquement les questions. C'est pas évident, non? Elle reformule les questions. Oui, c'est vrai que c'est une habitude qu'elle a. Elle reformule la question comme pour elle-même, c'est-à-dire qu'elle redit à voix haute, et puis bien souvent, elle l'interprète. Parce que c'est aussi quelqu'un, on le sait, d'une intelligence très, très particulière. Et aussi, c'est une littéraire pure, c'est-à-dire qu'elle va retourner le truc, elle va sortir quelque chose d'autre de la question qu'on lui pose. Alors ça, effectivement, c'est parfois très pénible aussi. Pour un président d'assises. Et un avocat général. Et un avocat général qui n'est pas non plus habitué à avoir devant lui une personne qui est taillée de cette façon sur le plan intellectuel et psychologique. Elle vexe ? Ah, bien sûr qu'elle vexe. Donc, par exemple, je vais vous donner un exemple. Je crois que c'était la première matinée du procès de Saint-Omer où M. Frémiot veut absolument, puisque c'était lui son axe d'accusation, il veut la faire passer pour une grande menteuse. Ce qui fera après dire à Monsieur Zaguri, les yeux dans les yeux de Monsieur Frémiot, vous voulez en faire une grande menteuse, c'est une grande délirante. Bon. Mais Monsieur Frémiot veut faire de Madame Cabou une grande menteuse. Et donc, il s'ingénie à montrer, point par point dans le dossier, que là, elle a menti. Et en particulier, il arrive sur ses diplômes. Et on sait qu'elle n'a jamais validé ses diplômes. Et à un moment, elle lui dit « Mais si, monsieur l'avocat général, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. » Et puis, lasse d'argumenter, elle le regarde droit dans les yeux, droite comme un « i » dans son box, et lui dit « Vous voulez que je n'ai que le baccalauréat, monsieur l'avocat général ? Eh bien, je vous le concède. » Et elle s'assied. Et d'abord, monsieur Frémiot hurle « Levez-vous quand je vous parle. » Elle met beaucoup de temps à se relever, parce qu'elle n'a pas décidé forcément de se remettre debout dans son box. Et cette phrase « Je vous le concède sur ce ton-là. C'était avec un geste, voyez-vous, de eh bien, prends ça, quoi. Voilà, c'est ça, Fabienne. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Alice Diop, le fait que Fabienne Cabou soit une femme intelligente, le fait qu'elle rationalise ses actes, qu'elle s'exprime bien, cela lui porte préjudice. Comment vous l'expliquez ? Mais moi, vraiment, tous les articles sur Fabienne Cabou qui commencent par son QI de 120 ou de 130 et sa manière de s'exprimer en français, en fait, m'en disaient plus sur les gens qui l'énonçaient que sur elle-même, en fait. Mais peut-être parce que je suis aussi sénégalaise qu'elle. J'interroge l'objet, la nature, l'impensé de cette fascination. Quand j'arrive au procès, je trouve qu'elle en fait beaucoup trop, qu'elle en fait beaucoup. Elle a une espèce de langue extrêmement livresque, une langue très performée. Enfin, il y a quelque chose qu'elle construit de son personnage et qui passe évidemment par la langue. Et Fabienne Cabou, c'est ça. C'est une femme noire qui avait besoin de revendiquer le fait qu'elle était intelligente. Donc ça, c'est son droit. Et ça raconte aussi à quel point c'est extrêmement difficile d'échapper en fait aux projections que les gens ont de nous. C'était comme une défense, en fait. Daniel Zaguri, vous nous dites que c'est une forme de stratégie de défense. Elle tente de se défendre. C'est une stratégie de défense par rapport à une maladie psychiatrique. C'est pas une stratégie de défense devant la justice, si vous voulez. Bon, vous savez, on est surpris quand on est psychiatre parce que, bon, on examine une femme, on nous dit mais non, c'est une petite menteuse, mais non, vous vous êtes fait avoir, mais non, c'est une simulatrice, ou des choses comme ça. Alors, il faut essayer de convaincre la cour, si tant est que ça soit possible. Donc, l'intelligence de Fabienne Cabou et son niveau de culture ont été un obstacle, comme si on avait du mal à réaliser que la maladie mentale, ça pouvait aussi atteindre des personnes tout à fait d'un niveau supérieur et cultivé. Fabienne Roy-Nancion, Fabienne Cabou dit d'une certaine manière qu'elle est sous l'emprise, sous influence de certaines forces, qu'elle est donc pour une part manipulée, et puis finalement on la perçoit comme celle qui manipule. Ben, on la perçoit comme celle qui manipule parce qu'on veut la présenter comme ça. Parce qu'on veut la présenter comme une grande menteuse et une grande manipulatrice. C'était ça, hein, le sport pratiqué par l'accusation. Mais quand elle parle du vaudou, elle est parfaitement sincère. Vous savez, le vaudou, il n'arrive pas tout seul. Il arrive chez le juge d'instruction à un moment où elle est interrogée sur les faits et où elle essaye de nous expliquer ce qui a pu se passer dans sa tête. Et à ce moment-là, on sent bien qu'elle patauge, qu'elle a envie de dire quelque chose, mais qu'elle n'y arrive pas, qu'elle ne veut pas véritablement le dire, mais qu'elle est obligée de le faire. Enfin, c'est très compliqué. Et à ce moment-là, je demande au juge d'instruction de suspendre l'interrogatoire pour parler à Fabienne. Et je lui dis, mais Fabienne, qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce qui se passe là? Vous voulez dire quelque chose, mais vous ne le faites pas, vous n'y arrivez pas. Et elle me dit non, parce que je dois vous dire quelque chose, mais vous allez me prendre pour une dingue. Vous n'allez pas me croire. Ça va vous paraître complètement absurde. Elle est toujours très mystérieuse quand elle me dit ça. Et là, elle me sort le vaudou. Bon. Donc je la laisse dans sa petite geôle du palais de justice et je vais voir Monsieur Vlaminck, le juge d'instruction, lui dit, et elle va vous dire un truc, ça va être compliqué là. Elle est sur ses croyances. C'est comme ça que ça arrive. Face aux injonctions insistantes. Pour vous expliquer mon geste, il faudrait que vous élargissiez votre entendement. Face aux injonctions insistantes. Je ne suis pas seule dans ma tête. Oui, c'est vrai, c'est une traque. Je suis traquée par ces femmes et je voulais pas que ma fille le soit. J'ai parlé de sorcellerie et je ne plaisante pas. Elle a sollicité des marabouts. Elle s'est interrogée sur l'origine de sa souffrance, de ce qu'on lui faisait vivre de l'extérieur, puisque si vous voulez, on n'est pas là dans un registre névrotique de conflit interne, on est là dans un registre psychotique où la personne est persécutée par des agents externes. Si vous voulez, ce qui faisait toute la singularité de ce tableau, c'était ce mélange d'intellectualisation philosophique, de recours à Wittgenstein, par exemple, cette tentative d'intellectualisation, de rationalisation, et puis ces éprouvés délirants, il faut bien appeler les choses par leur nom, et puis cette tentative d'explication par la sorcellerie. On est dans une espèce d'écheveau de gens intrigants, malveillants, dans des histoires de femmes amoureuses qui brisent les couples. Quand on l'écoute, on trouve toute une série de personnages féminins malveillants qui se sont penchés, en quelque sorte, sur le berceau de son enfant. Et elle va chercher le sens de tout ça, et elle va chercher à protéger son enfant et à se protéger contre cette malveillance familiale généralisée. J'ai souvent demandé à la voix ce qu'elle voulait et qui elle était. Quand j'étais là-bas, au Sénégal, j'étais protégée. Quand je suis arrivée ici, en France, je suis devenue vulnérable. Voilà le conflit. J'ai été transplantée, si vous voulez. Je me suis isolée et depuis, je navigue à vue. J'adhère par défaut à l'hypothèse de la sorcellerie parce que j'ai pas d'autre explication. Pourquoi plaider la sorcellerie alors que personne n'y comprend rien à la sorcellerie? Le vaudou, c'est l'explication et la seule explication que Fabienne ait trouvée à son geste. Puisqu'elle réfute absolument l'idée d'être malade, alors il faut qu'elle cherche ailleurs. Mais je ne peux pas plaider la sorcellerie, même si Fabienne veut que je plaide la sorcellerie. Parce que je suis face à un jury qui, comme moi d'ailleurs, ne sait rien de la sorcellerie africaine. Pour parler du vaudou, il faut connaître le vaudou. Et je n'y connais strictement rien. Donc je présente simplement cette explication comme étant la sienne. Et je dis, droit dans les yeux à ce jury de blanc, bah, attendez, vous y croyez pas aux sorcières ? Qui parmi vous est allé voir une voyante un jour? Personne ne le dira, là. Si je pose la question, personne lève la main. On a tous un peu honte quand on est allé voir une voyante. Voilà une cartomancienne. Fabienne, c'était le vaudou. Mais je sais d'avance que cela fera l'effet d'une tache d'huile sur une toile cirée, c'est-à-dire que ça va glisser. Voilà, mais il faut bien que je le sorte. Je l'ai serré contre moi, comme ça. Je l'ai serré longtemps, longtemps. Elle était bien, elle ne pleurait pas. Je suis sûre qu'elle m'a regardée quand je lui ai parlé une fois posée au bord de mer. Je lui ai demandé pardon. Elle était parfaitement docile. C'est le fait de l'avoir étendue sur le sable qui lui a ouvert les yeux. Là, oui, j'ai eu peur de l'entendre pleurer. Elle n'a pas réagi. Elle est restée léthargique. Je me disais que si la mer monte, elle n'aurait pas la possibilité de se défendre devant une mer qui monte. C'est très frappant, dans le récit de Fabienne Cabou, la façon dont elle exprimait qu'elle attendait une sorte de rappel de son mari, qui lui aurait dit non, d'une manière ou d'une autre, rappel de son enfant qui aurait résisté. Donc il y a chez elle une sorte d'attente que cette espèce de course en avant implacable s'arrête. Il y a quelque chose que j'ai remarqué, que j'ai relevé pendant le procès, c'est le fait que la petite commençait à dire « maman ». Je crois qu'il a été dit, enfin je sais que, en tout cas je l'ai noté, qu'Adélaïde commençait à dire « maman ». Et je me suis toujours dit, enfin en tout cas je me suis raconté, que c'est justement pour ça que c'était le moment pour elle de l'emmener à la mer. Enfin, pour moi, le fait qu'elle commence à dire « maman », qu'elle commence à marcher, et que ce moment-là, en fait, elle devient réelle, il y a quelque chose qui ne peut plus tenir à ce moment-là. Et je me suis toujours demandé si c'est pas précisément pour ça qu'elle décide de partir à Berck ce jour-là. Elle nous dit que lorsqu'elle dépose Adélaïde sur le sable, elle s'écarte un peu de quelques pas. Et elle attend, enfin quelques secondes, peut-être une seconde ou deux. Elle espère, en fait, qu'elle pleure. Et elle m'a toujours dit, je pense que si elle avait pleuré, alors je serais allé la reprendre. Le pleur d'Adélaïde aurait peut-être été cette incursion du réel dans le délire. C'est-à-dire ce moment où il y a quelque chose qui arrive de l'extérieur, qui appartient au réel, et qui va briser immédiatement l'irrationnel dans lequel elle se trouve à ce moment-là. Et malheureusement, Adélaïde n'a pas pleuré. Et donc, elle s'est retournée et elle a couru. Elle est remontée de la plage. Le néant s'est refermé derrière elle. Voilà, c'est tout. C'était trop tard. C'est fini. Et pour elle, et pour Adélaïde, évidemment. Fabienne Cabou, une femme sous influence, un documentaire de Nejma Bouakra et Marie-Laure Ciboulet. Avec Fabienne Roy-Anancion, avocate à Boulogne-sur-Mer, Daniel Zaguri, expert psychiatre auprès des tribunaux, Alice Diop, cinéaste, Mélanie Martinez-Lienz, actrice, performeuse et auteure. Prise de son, Claude Nior et Christophe Papon, au mixage, Valérie Lavalard. Une histoire particulière, une émission coordonnée par Christine Bernard. Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30 pour vous raconter l'histoire d'un oiseau de très très mauvais augure. Mais c'est une autre histoire.